Super Fail, Guillaume Erner. Parce qu'il n'y a pas que la réussite dans la vie, Super Fail ne s'intéresse qu'à l'erreur, l'échec, la catastrophe. Super Fail, parce que ça n'est pas si facile de réussir à échouer. Super Fail. Et aujourd'hui, probablement le pire Super Fail en matière de conflit et de géopolitique, les Afghanistan Papers. Selon le quotidien Le Washington Post, c'est lui qui a sorti cette information, ces documents qui sont des documents confidentiels de l'administration américaine, et on a donné le nom d'Afghanistan Paper à ces documents en référence aux Vietnam Papers qui avaient révélé la catastrophe qu'avait été la guerre du Vietnam. Eh bien, les présidents Bush et Obama ont été parfaitement au fait des échecs des projets américains pour reconstruire l'Afghanistan tout en les cachant. This all started with an old-fashioned tip that Tout a commencé avec un tuyau à l'ancienne que Michael Flynn, le général à la retraite, avait donné une interview non publiée à une obscure agence gouvernementale sur la guerre en Afghanistan. Il faut se rappeler qu'en août 2016, Michael Flynn était devenu bien connu pour son soutien au candidat de l'époque, Donald Trump. Mais quand il était dans l'armée, Flynn était connu comme un franc-tireur et quelqu'un qui n'avait pas peur de critiquer la manière dont les choses se passaient dans les rangs. Et une fois que nous avons obtenu l'interview de Flynn, il était en fait assez vif dans sa critique de la façon dont le monde avait été décrit au public. Il a dit maintes et maintes fois, au moment où le message public a été donné au peuple américain, on leur disait toujours « Nous progressons, nous faisons mieux ». Nous gagnons. Et pourtant, il a déclaré que le rapport du renseignement sur le terrain indiquait clairement le contraire, que nous perdions. Et il a dit que c'était presque un crime ce qui s'est passé, la manière dont le peuple américain a été induit en erreur sur la nature de la guerre. Bonjour Frédéric Ancel. Bonjour. Vous êtes docteur en géopolitique et maître de conf à Sciences Po Paris. Vous avez notamment publié un dictionnaire de géopolitique aux presses universitaires de France. Il faut tout d'abord nous situer ce que sont les Afghanistan Papers et peut-être en référence à ce qu'ont été les Vietnam Papers. Oui, oui, c'est une série de révélations extrêmement documentées, datées, étayées, publiées en l'occurrence par le Washington Post, donc l'un des principaux journaux américains, qui concernent les manquements qui ont eu lieu, les très graves, les récurrents manquements qui ont eu lieu tout au long de là, on devrait dire, des guerres d'Afghanistan menées par les États-Unis et leurs alliés. Alors ça se fonde sur des faits extrêmement précis. On a là manifestement des révélations des services de renseignement. On a aussi un certain nombre d'enquêtes qui ont été faites par les journalistes eux-mêmes. Tout cela a été recoupé, vérifié, j'allais dire, à l'américaine, c'est-à-dire à la média et à la journaliste américaine, et ça vous donne quelque chose qui relève un peu effectivement du scandale et, vous l'avez bien dit, qui rappelle quand même les manquements qui ont eu lieu au cours de la guerre du Vietnam. Tout ça est problématique, notamment parce que, les États-Unis sont un peu quand même la première puissance du monde, et puis surtout, c'est une très grande démocratie. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette guerre? Qu'est-ce qui s'est passé qui puisse expliquer cette catastrophe qu'est la guerre en Afghanistan? Eh bien d'abord, c'est l'impréparation. Et ça, c'est pour une grande puissance, c'est impardonnable. C'est-à-dire que l'Afghanistan, c'est une géographie particulière. C'est une sociologie particulière. C'est une histoire très particulière. Et si vous voulez, lorsque vous vous précipitez dans un pays comme celui-là, à tout le moins, on attend de vous que vous vous y prépariez correctement. Alors, pour être honnête, souvenons-nous que les Soviétiques, très grande puissance aussi, en 79 avaient envahi le pays, d'ailleurs dans des conditions a priori moins défavorables, parce qu'ils avaient plus d'alliés sur place, et qu'en 88, ils repartaient, la queue entre les pattes, et ça allait pratiquement ajouter à leur effondrement. Et là, le problème avec les États-Unis, c'est qu'ils y vont pile en tête. On est juste après le 11 septembre, et le président Bush, non seulement ne se prépare pas, mais ça, c'est pas la première ni la dernière fois d'ailleurs qu'il le fera, mais il y va surtout pour des raisons liées à la vengeance juste après le 11 septembre. Problème, ce n'est pas que le président Bush fils, qui était un born again, qui était un évangéliste parfois un petit peu fantasque, qui va bien en tête, mais l'un de ses successeurs, à savoir le très posé, le très intelligent Barack Obama, qui lui aussi va manifestement échouer en Afghanistan, et c'est ce que révèlent ses papers, c'est que d'ailleurs Obama ne fera pas mieux que Bush finalement sur le terrain. Pourquoi s'être lancé dans une telle guerre? Alors, je vous le disais, il y a une cause immédiate, c'est le 11 septembre. Le 11 septembre a été provoqué par, je ne rappellerai pas à vos auditeurs le cataclysme, notamment, moral, que ça a constitué, notamment pour l'opinion américaine, le véritable traumatisme pour l'opinion américaine. Mais on est juste après ce coup extrêmement dur, et le président américain ne peut pas faire autrement que de montrer qu'il peut riposter, qu'il peut frapper, et qu'il peut frapper vite et fort. Le problème est de savoir qui frapper. Alors, on sait que Al-Qaïda est protégé par le régime taliban, qui lui-même est au pouvoir depuis 1996, hein, donc là on est en 2001, est au pouvoir depuis 5 ans, entre parenthèses, avec la bénédiction d'un autre président américain calme et intelligent qui s'appelait Bill Clinton, le prédécesseur de Bush, et que Al-Qaïda donc est protégé par ces gens-là. Alors, bien sûr, il va falloir les frapper, les châtier, très bien. Mais de là à intervenir aussi massivement et encore une fois sans préparation de terrain, sans recherche d'alliés sur place dans un pays aussi clanique, aussi tribal, aussi ethniquement et religieusement divisé, c'était risqué en tout cas d'aller à la catastrophe. Et puis, on y va aussi parce que Bush fils a été très mal élu en 2000, il faut s'en souvenir, et qu'il a besoin quelque part de revêtir les habits glorieux de chef de la nation. Du coup, cette guerre, c'est la plus longue de l'histoire américaine, 18 ans avec des sommes colossales qui ont été injectées pour probablement l'un des pays les plus corrompus dans l'histoire de l'humanité. Ah oui, puis l'un des pays les plus pauvres, l'un des pays disposant des ressources naturelles commercialisables les plus faibles, sauf bien sûr l'héroïne, ah bah oui, ça, forcément. Donc c'est, quand vous parlez de corruption, c'est effectivement le moins qu'on puisse dire, et pour des résultats dont on ne pouvait pas considérer qu'ils seraient intéressants. Pourquoi? Parce que, alors je sais que c'est toujours facile à dire après, mais on était quand même un certain nombre déjà à le dire à l'époque. Pourquoi? Parce que les véritables coupables du 11 septembre, et peut-être d'autres individus extraordinairement méchants, anti-américains et tout ce que vous voulez, ils se comptent en quelques centaines, peut-être en quelques milliers d'individus en Afghanistan au grand maximum. Or, vous allez envoyer pendant effectivement presque 20 ans un demi-million d'hommes, un demi-million de soldats, avec une débauche de moyens modernes et ultra-modernes qui ne s'explique pas, qui paraît a posteriori absolument dantesque. Donc le résultat, c'est que vous aurez toujours des types qui vont aller se cacher dans telle ou telle grotte, dans cet environnement que mon maître Yves Lacoste aurait dit que c'est la géographie qui sert d'abord à faire la guerre. Mais pour quel résultat? Pour ne pas avoir de nouveau de 11 septembre? Oui, écoutez, des attentats, il y en a eu ensuite, et ils n'étaient pas forcément le fait de ces gens-là. Mm-hmm. Donc, une débauche avec un D majuscule, effectivement, sans résultat possible. C'est même pas sans résultat tangible, c'est sans résultat possible. Imaginez que vous preniez un gigantesque marteau pour aller anéantir une toute petite puce qui se déplace très rapidement dans un champ de coton. Allez, voilà, je suis assez fier de ma formule. Bon, eh bien, ça va être extrêmement difficile, vous allez vous faire très mal, il va y avoir des dégâts collatéraux parce que vous allez frapper un peu partout à l'aveugle, et à la fin des fins, eh bien, vous serez plus crédible du tout. Et alors, du coup, rétrospectivement, on se dit pourquoi ces gens-là n'ont-ils pas abandonné cette entreprise, une entreprise folle, l'idée donc de construire un État, de construire une démocratie, bref, de plaquer des repères américains là-bas, pourquoi n'ont-ils pas tout simplement renoncé à rajouter au pot? Alors, d'abord, c'est toujours très très difficile de reconnaître votre échec. C'est notamment très difficile lorsque vous êtes en campagne électorale. Problème, aux États-Unis, on est toujours en campagne électorale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, vous n'êtes pas seul quand vous êtes américain en Afghanistan. Vous avez plusieurs dizaines d'alliés. Je dis bien des dizaines d'États alliés sur les environ 200 États que compte aujourd'hui l'ONU. Donc, vis-à-vis des autres, c'est quand même très difficile aussi de renoncer. Votre opinion publique, vous ne pouvez pas la décevoir, même si cercueil de soldats après cercueil de soldats, elle finit par se lasser. Qu'on se souvienne du Vietnam, d'ailleurs qu'on se souvienne aujourd'hui de l'Afghanistan, regardez ce qui s'est passé aussi avec les Britanniques en Irak, qui au bout d'un moment en avaient réellement assez. Bon. Donc effectivement, c'est toujours très difficile de constater qu'en réalité, on n'a pas mené à bien sa mission. Alors, vous pourriez me dire, mais avec Obama, Obama n'était pas lui responsable, c'est pas lui qui est allé. Et pourtant, comme vous dites, il a remis au pot. Oui, mais de manière différente. Obama, lui, n'a pas voulu reconnaître l'échec. Alors au début, il a renvoyé encore des hommes pour montrer que bah, lui aussi était quand même très capable, alors qu'il était très peu connu avant l'élection, de jouer le héros et le chef de guerre. Mais Obama, lui, très rapidement, il inverse la tendance, on va dire, la tactique sur le terrain, et il envoie des drones. Autrement dit, Obama veut continuer à faire la guerre pour ne pas désespérer, on va dire ça comme ça, l'opinion américaine, mais en ne ramenant pratiquement plus aucun cercueil de soldats. De fait, d'ailleurs, il y aura beaucoup moins de tués durant les 8 ans d'Obama. Pourquoi ? Parce qu'on envoie des drones, alors ça coûte cher quand même, hein, et on frappe de beaucoup plus d'ailleurs qu'avec Bush fils. Mais oui, dans un cas comme dans l'autre, eh bien, on a quelque part, d'abord, on n'a pas voulu rapatrier au bout d'un moment les hommes une fois qu'on avait quand même châtié une grande partie d'Al-Qaïda, et on a effectivement menti, ce qui pose problème. Doublement, j'allais dire. D'abord parce que, je le répète, mais vous le savez, les États-Unis sont une très grande démocratie. La preuve, Washington Post, qui révèle l'affaire, hein, comme à l'époque, le Watergate avait été révélé non pas par la presse étrangère, mais par la presse américaine. Et l'autre problème, c'est que Bush, encore une fois, on peut en penser ce qu'on veut, mais Obama, si vous voulez, c'était a priori quelqu'un, je dis bien a priori, qui ne mentait pas, ou moins, et qui avait une véritable vision du monde, et qui était une vision qui n'était pas évangéliste, qui n'était pas ultranationaliste comme celle de l'actuel Trump, et qui était en principe donc beaucoup plus raisonnable. Alors, le Washington Post explique les différentes erreurs qui ont été commises par les États-Unis, et la première, le secret pour perdre une guerre, c'est tout d'abord de ne pas connaître son ennemi. Ah oui, mais non seulement ne pas connaître son ennemi, mais ne pas connaître le terrain. Donc ça, je n'insiste pas parce que je l'ai dit tout à l'heure. Mais enfin, c'est fondamental. Les Américains arrivent en Afghanistan et ils ne savent littéralement pas qui y vit. Or, en Afghanistan, il n'y a pas de nation. Il y a des groupes confessionnels, des groupes ethniques, des groupes tribaux, des claniques qui s'enchevêtrent, qui parfois se font la paix, parfois se font la guerre, qui très souvent font du commerce entre eux et qui vont utiliser la force herculéenne des États-Unis pour la retourner soit contre eux, via une guérilla extrêmement efficace, hein, encore une fois dans un pays dont il faut regarder à quoi il ressemble sur une carte, hein, sur une carte topographique bien sûr, et parfois chacun de ces groupes va faire alliance avec d'autres groupes qui étaient ses ennemis la veille encore contre l'ennemi extérieur. Et on va avoir un manque de connaissances, évidemment, des langues sur place, ça c'est le moins qu'on puisse dire. On va avoir un manque de connaissances du terrain géographique, un manque de connaissances des liens qui unissent ou qui, au contraire, divisent tel ou tel clan, telle ou telle tribu. Et ça, si vous voulez, sur fond de production de drogue, ce qui est hallucinant, l'une des erreurs les plus catastrophiques faites par les Américains et leurs alliés, c'est de ne pas avoir compris que la guerre de ces guerrieros, plus ou moins terroristes, talibans, etc., allait se financer en permanence grâce aux opiacés et à la vente d'héroïne. Donc effectivement, une impréparation et une méconnaissance du terrain qui, je le répète encore une fois, est très grave, y compris moralement, pas seulement sur le terrain, moralement, de la part d'une grande puissance. Lorsque vous êtes un tout petit pays et que vous n'avez pas les moyens de connaître votre adversaire, bah, écoutez, c'est pardonnable. Mais ce n'est pas pardonnable de la part des États-Unis. Deuxième enseignement, toujours d'après le Washington Post, l'aide ne permet pas de gagner les cœurs et les âmes. Alors, si vous voulez, il est effectivement très compliqué de s'agréger tout ou partie d'une population qui va vous percevoir comme un envahisseur. C'est-à-dire, soit vous lui apportez une aide massive, substantielle, et à ce moment-là, elle peut effectivement apprécier cette aide pendant un certain temps, sur un certain espace, mais à condition qu'ensuite, vous partiez rapidement ou que vous débarrassiez cette population aidée de ses adversaires ou de ses ennemis. Faut-il encore connaître quels sont ses ennemis à cette population, hein. Si vous aidez par exemple les chiites Hazara sous prétexte qu'ils se font la guerre avec les Pashtuns en général talibans, bon, c'est très bien. Mais à partir du moment où ces clans ou ces tribus vont se rabibocher, eh bien, votre aide, j'allais dire, elle tombe à l'eau. Et puis un deuxième problème, c'est ce que Bertrand Maddy appellerait l'humiliation. C'est-à-dire que vous aidez, oui, en même temps, quelque part, c'est très humiliant. Et si derrière, il n'y a pas de construction, effectivement, d'une véritable nation, eh bien, vous allez échouer. Or, est-ce que c'est aux États-Unis? Est-ce que c'est à la France? Est-ce que c'est à l'Australie? Est-ce que c'est au Zimbabwe d'aller en Afghanistan pour créer une nation? Ça, c'est très compliqué, c'est un problème moral, hein. Alors, avec quand même une incise parce que là, la question, elle paraît très, très interro-négative. Mais il y a une incise. En 45, en Allemagne et au Japon, alors il existait préalablement des nations, et même des nations extrêmement unifiées. Néanmoins, il y a eu une aide très importante. Les régimes ont été anéantis, les régimes nazis et nationalistes japonais ont été anéantis, et ça a marché. Voilà. Mais alors, je dirais que c'est quand même deux cas très particuliers, et les Américains ne pouvaient pas se fonder sur ces cas-là pour aider, enfin, pour compter seulement, en quelque sorte, sur une aide massive et sur des centaines de milliers de soldats, ce qui allait se passer en Afghanistan. Et alors, troisième point qui est souligné par le Washington Post, d'après ces Afghanistan Papers, Frédéric Ancel, on ne construit pas une armée solide en un tour de main. Non, en un tour de main, ça c'est sûr. Les Américains, effectivement, ont cru, c'est pas les seuls dans l'histoire, hein, ont cru pouvoir bâtir une armée afghane. Et on revient au point précédent, s'il n'y a pas de nation, s'il n'y a pas de conscience nationale, s'il n'y a pas de conscience d'un intérêt supérieur du collectif dépassant les clivages claniques et tribaux que j'évoquais tout à l'heure, eh bien, il n'y aura pas d'armée. C'est pas compliqué. Et d'ailleurs, je vous dirais qu'en ce moment, cette question, elle existe avec une très grande acuité, d'ailleurs, au Sahel. Et là, c'est la France qui fait face à ce problème, à cette incapacité à contribuer à créer une armée. C'est pas parce que vous allez donner des fusils à des types et que vous allez leur apprendre à s'en servir que ça va suffire. Comment ces individus vont comment vont se représenter ces individus, leurs alliés, comment ils vont vous représenter, comment ils vont se voir eux-mêmes, est-ce qu'ils pensent défendre un État-nation, est-ce qu'ils pensent défendre simplement leur village, leur clan, leur tribu, etc. Donc non, effectivement, c'est créer une véritable armée puissante, ça prend de longues années, et encore, ça prend de longues années, et pas seulement sur le plan matériel, si derrière, je le répète, il y a une véritable conscience nationale. Sinon, ça ne marche pas. Donc, en réalité, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont dépensé des milliards pour donner des armes qui ensuite se perdaient au-delà d'une armée nationale qui est toujours restée extrêmement, picrocoline, et ça se perdait chez les ennemis des Américains. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que une partie de la force déployée par les Américains s'est retournée un peu comme au judo contre eux. Et ça, c'est quelque chose qui, là encore, devait pouvoir être envisagé avant de faire la guerre. Mais dites-moi, Frédéric Ancel, il n'y a pas que des Américains en Afghanistan, il y a aussi des Français, je crois. Ah, non seulement il y avait des Français, mais le contingent français était de mémoire le deuxième ou troisième plus important. Comme d'ailleurs ça s'était produit en Irak en 1990-91, où les Français étaient très très présents. C'est pour ça que je vous disais, il n'y avait pas que des Américains et que tout le monde portait une responsabilité d'une manière ou d'une autre. Simplement, c'est quand même après le 11 septembre, les Américains qui donnent le là, d'abord parce que à eux seuls, ils représentent plus de 80% de tous les contingents des dizaines d'États de cette grande alliance internationale. Ensuite, sur le plan économique, technologique et militaire, c'est plus encore que 80%, on frôle les 90%. Alors, si vous voulez, quand vous êtes, c'est un peu Gulliver avec des Lilliputiens autour qui vont se battre avec lui autour. Enfin bon, donc la France était quand même secondaire, et sur le plan politique et militaire, on pouvait pas faire grand chose. Si vous voulez, d'abord on n'avait pas plus d'informations et de renseignements que les Américains en Afghanistan, même si on avait la volonté de mieux comprendre, ce qui est en général un cas de figure français qui est appréciable d'ailleurs, quelles que soient les guerres quand même, essayer de comprendre davantage la population face à laquelle on va se trouver, mais on, si vous voulez, pour des raisons politiques, budgétaires évidentes, on pouvait pas modifier substantiellement la tendance américaine à foncer aveuglément. Dernière question, Frédéric Ancel. Si ces Afghanistan Papers démontrent que l'Afghanistan a été un véritable enfer, peut-être que celui qui a le plus raison aujourd'hui dans ce dossier, c'est Donald Trump, lui qui souhaite négocier avec les talibans. Votre question pourrait paraître insolente, elle ne l'est pas, au regard précisément de la... Alors, l'enfer, je ne sais pas, mais en tout cas de la... Oui, non, en tout cas, cela démontre que cette guerre n'était pas fondée, qu'elle a été malmenée, qu'elle a été menée avec une impréparation, comme vous l'avez dit, tout à fait surprenante. Alors, négocier avec les talibans à certaines conditions, par exemple la condition que ces gens-là, qui sont pour l'essentiel d'ailleurs des pachtounes, hein, donc on en revient aux caractéristiques tribales très importantes, donc les négocier avec eux, ça signifie qu'ils vont faire au moins quelques concessions, sinon on négocie rien du tout, et parmi ces concessions, si on réussit à leur faire admettre qu'il faut arrêter d'être extrêmement méchant avec les étrangers, notamment avec les Américains, et vous voyez, je le dis avec un petit sourire, mais au fond c'est sérieux, et de ne plus protéger attaquer d'affreux terroristes d'Al-Qaïda ou de que sais-je encore, bah, à la limite, oui. Enfin, Trump ou n'importe qui n'aurait pas tort d'en finir avec le bourbier afghan. Je dirais pas que ça a été un enfer comme le Vietnam a été un enfer pour les Américains, mais je dirais que, et là je vous suivrai, ça a été quand même le chaos et la démonstration qu'on ne peut pas entamer. On peut entamer une guerre. Il y a des guerres justes. Depuis toujours, il y a des guerres justes qu'il faut faire. Mais on ne peut pas entamer une guerre sans connaître l'adversaire, sans connaître le terrain, et au fond, sans avoir de véritables objectifs. Et c'est ça qui est le plus terrible peut-être dans cette histoire, c'est qu'il n'y a jamais eu de véritables objectifs. Une fois qu'on avait envahi le pays et que les talibans ont été chassés du pouvoir, et par conséquent Al-Qaïda, qu'est-ce qu'on y faisait? Et c'est ça qui est terrible, c'est entamer une guerre sans avoir d'objectif. Donc oui, l'actuel président américain n'a pas forcément tort. Bah, d'abord, il n'a pas tort de négocier, et il n'a pas forcément tort de négocier pour finalement se retirer de ce bourbier. Merci beaucoup Frédéric Ancel. Je rappelle que votre dictionnaire géopolitique est publié aux Presses universitaires de France. N'hésitez pas à me communiquer vos critiques, vos suggestions, vos idées de Superfell sur mon mail guillaume.erner@radiofrance.com. Superfell a été déglingué par Sylvia Favre à la production, saccagée par Audrey Gélil à la technique et ruinée par Alexandra Longuet à la réalisation. Superfell.